C'est bon là ? Ok. Galaxy Pop. Peut-être pas les premiers sur la pop culture, mais. Bah, mais rien en fait. Pas les deuxièmes ? Non. Salut à tous et bienvenue dans Les Deux Branques, ou Ciné Dimanche, ou de toute façon je sais même plus comment on s'appelle, mais en tout cas c'est la saison 2. Et comme vous avez entendu cet été, la saison 2, c'est celle de l'Apocalypse. Alors on s'est mis d'accord avec le Corbeau, on parlera pas de Speed 2 ni de Universal Soldier Regeneration cette année. On va essayer de repousser l'Apocalypse à l'année prochaine, mais on vous promet rien. Donc comme on reprend eh bien, la saison, je suis accompagné du Corbeau et on est aujourd'hui presque en direct. Salut le Corbeau. Salut. Ça va bien ? Oh bah, toujours le plus heureux du monde, c'est connu. Oui, c'est vrai, tu respires la joie de vivre en ce moment. On voit bien que tu rentres de vacances. Ah, t'as vu ? Ce beau teint bronzé. Ah oui, le teint allé. Allé. Je savais pas que les corbeaux pouvaient bronzer, c'est première surprise. le programme aujourd'hui, on va se faire en entrée un petit film tout frais, tout récent, presque dans l'actualité. On va parler des Bad Guys 2. Ensuite, on va faire un peu grincer dans les chaumières et Winnie Mergreen et on va parler de Buffet Froid. On va enchaîner avec les ripoux, donc je suppose que Mergreen va encore râler. Et ça me fait un peu plaisir, je dois bien le reconnaître. Et on terminera avec Ricky Stanicky, la comédie Amazon qui est sortie il n'y a pas très longtemps non plus, je crois qu'on est encore presque dans l'actu. Est-ce que ça te va ? Ah bah nickel, et puis si on peut faire brailler Mergreen, c'est toujours un plaisir. Enfin en même temps, il braille tout le temps, donc on va pas vraiment voir la différence. Quoi. C'est vrai qu'il est toujours en train de grincher le pauvre. Bah ouais, on dirait moi, putain. Non, je te trouve plus souriant. Oh bah dis donc. Bon, et ben on y va. C'est toi qui vas nous parler de Bad Guys 2 alors ? Exactement. Donc c'est un film d'animation de DreamWorks, si je me rappelle bien, qui est Amblin et DreamWorks. Oui, c'est ça. Qui reprend un peu... la suite du premier, donc, qui était l'histoire des Bad Guys, une équipe constituée d'un loup, d'une tarentule, d'un requin, d'un serpent et... Un piranha. Et un piranha, c'est ça. Accompagné d'une corbeau. D'une renarde. Bon, il manquait plus que le corbeau, que c'est un seul à la classe, mais bon. Ouais. Des fois, il y en a qui n'ont pas la bonne idée. Ouais. Et donc, ils évoluent dans un monde d'êtres humains, mais eux, ce sont des méchants, ce sont des animaux humanoïdes. Des animaux humanoïdes, on va faire la liaison quand même. Et dans ce nouvel opus, ils étaient connus pour être des criminels d'exception. Et dans celui-ci, des braqueurs. Et dans celui-ci, ils ont un petit peu changé de braquet. Ils sont devenus honnêtes. Hein, je fais les guillemets, voilà, ils sont devenus honnêtes. Enfin, au début, ils sont honnêtes, voilà. Bah attends, ils voulaient être banquiers, la gueule de l'honnêteté, franchement. Bah oui. Des métiers plus honnêtes que celui-là. Je sais. Flic, hein. Enfin, bref. Oh, ça commence fort. Mais je le pense, en plus, c'est ça le pire. Et donc, bien sûr, on va pas nous faire 1h30 sur des personnages qui sont honnêtes. Ça va déraper, ils vont se retrouver face à un nouvel ennemi qui va les mettre dans la sûre, puisqu'ils vont devoir faire un braquage pour son compte, quoi. Enfin, aider à faire un braquage qui doit leur permettre de réunir divers éléments qui va permettre de construire ensuite une machine qui va permettre de faire le plus grand casse du siècle. En gros, voilà, je résume. Oui, en gros, c'est ça. Voilà, donc c'était. J'avais un lointain souvenir du premier que j'avais trouvé honnête dans l'animation. Très chouette, le premier. Je l'avais trouvé honnête, voilà. Oui, mais toi, t'es un peu grincheux aussi. Moi, j'ai trouvé très chouette. Avec une belle musique en plus, ils ont une belle BO, les deux Bad Guys, je trouve. Oui, ça, c'est. Mais bon, je dirais que ça. C'est dans la veine de tout ce que l'animation nous sort régulièrement, quoi. Des personnages, des ruptures de ton, des personnages qui passent leur temps à gigoter, qui ont des petits mouvements de danse à certains moments pour certains passages. Voilà, on est dans du traditionnel au niveau animation. Enfin, DreamWorks, ils nous avaient quand même habitués à des trucs genre Madagascar et autres qui sont plutôt hystériques que bien foutus quand même. Hein. C'est vrai. Mais bon, là, c'est vrai qu'il y a des petites ruptures de ton qui sont assez drôles, quoi, sur les personnages, etc. Mais voilà, Mais quand je dis que c'est honnête, c'est vrai que je suis pas dithyrambique à son sujet, mais quand je dis que c'est honnête, ça vaut le coup de payer sa place de Cinoche. Hein, y a oui, des c'est fois, déjà bien quand tu dis que c'est honnête. Ah, largement, oui, parce que il y a des fois des films, tu les vois, tu te dis putain, je viens de lâcher 12, 13, 14 balles pour voir ça en salle. En plus, si t'as un nain ou deux avec toi, donc ça te ça coûte encore plus cher. Non, t'es voir avec les deux nains, le bad guys, heureusement que c'était pas mal. Bah oui, quand tu vas le voir avec tes gosses, ou même toute la famille y va, et que tu te retrouves avec un film d'animation poussif au possible. Genre Miraculous. Voilà. Putain, heureusement que j'ai pas été voir ça. Ah bah nous, on se l'est cogné. Rip, hein, putain. Ouais, ah putain, la plaie. L'enfer, cette séance. Et donc, non, ça reste un divertissement honnête. C'est plutôt. Alors, quand tu dis que c'est pas hystérique, bon, comme tu dis, c'est pas au niveau de Madagascar. Il y a des moments un petit peu. Voilà, hein, ça s'adresse aussi à des mômes, donc faut que ça bouge un petit peu quand même. Quoi. Ouais, je dirais plutôt dynamique qu'hystérique là pour le coup. Ça fait pas sabrer dans tous les sens, ça secoue tous les bras. C'est très dynamique, mais j'ai pas le. Je trouve pas qu'il y ait le côté hystérique pour le coup. Alors c'est peut-être moi qui vieillis et qui supporte plus les gosses, ouais, c'est possible aussi. Mais voilà, ça reste une bonne séance, une animation vraiment très honnête, des personnages sympas, ça joue avec les clichés, hein, plutôt bien. Oui, oui, largement, oui. C'est... Voilà, ça ose un petit peu tout, et puis comme je te dis, moi, il y a quand même des passages qui m'ont bien fait sourire. Tu vois. Ils aiment bien faire ça, tu vois. Ils te balancent une situation, et le plan suivant... T'as le mec, il se retrouve dans une situation un petit peu complexe, quoi. Le gars, il est avec sa belle bagnole, etc. Le plan d'après, il est dans une vieille caisse toute pourrie. Ah, ce plan est assez drôle, oui, quand même. Tout en, voilà, bah, tout en transition, tout en fluidité. Voilà, ils font une ou deux transitions comme ça qui. Voilà, c'était plutôt drôle, c'est bien réalisé. Et par contre, voilà, quand t'es père de famille, si t'emmènes tes gosses voir ça. Les gosses peuvent regarder ça, c'est vraiment tout public, hein. C'est pas de l'animation pour adultes. Des blagues à base de paix, tu vois, tout oui. va bien. Voilà, tout va bien, et même un adulte, ouais, tu peux y trouver ton content sans vraiment t'emmerder, hein, parce que tout père de famille, c'est déjà payer des séances avec ses gosses pour regarder des trucs. Bah, toi, Miraculous, moi j'ai vu d'autres trucs, oh la vache, je me rappelle, paix à son âme, mon père m'a emmené voir... Musclor, le secret de l'épée avec Shira, quoi. Et en plus, comme on est arrivé en retard, on avait le droit de rester sur l'autre séance pour voir le début. Et finalement, j'ai vu 10 minutes, les 10 minutes, premières minutes, je les avais loupées, donc j'ai vu le film jusqu'au bout. Et après, j'ai regardé le film de nouveau. C'est-à-dire que mon père, il s'est payé une séance de 3 heures avec les maîtres de l'univers. Attends, si ça mérite pas une place au paradis, excuse-moi. Voilà. Ah non, mais là, si, j'avoue, même deux places. Hein. Ouais, largement. Purée. Donc, mais bon, c'était un petit, c'est vieux. Il y a plus de, fou la vache, il y a plus de 40 ans, quoi. Ça se trouve, tu le reverrais, tu trouvais que c'est pas si mal, hein. Ah, mais je l'ai revu, c'est de la merde. Ah bon, bah ça va. Voilà. C'est un épisode de série, quoi, qui a été transformé en long métrage, quoi, en toute honnêteté. C'est. Ah oui. Avec l'animation assez simpliste, enfin elle n'était pas simpliste l'animation puisqu'ils utilisaient la rotoscopie pour certains personnages, mais bon, les personnages étaient quand même, le dessin était quand même relativement sommaire quand tu le revois maintenant, quoi. C'était pas trop mal animé, mais c'était sommaire, les décors, les aplats derrière étaient assez moches, voilà, il n'y avait pas de l'animation de la figure des personnages, tu avais deux expressions, quand tu le revois maintenant ça te saute à la figure, c'est assez violent, quoi. Voilà. Oui, on peut excuser avec le temps, mais bon, voilà. Pour revenir au fait que, voilà, les Bad Guys 2, vous pouvez le regarder avec vos gosses. Voilà, ça va pas être un moment de souffrance. T'en es pas là. Non, c'est et puis ça. Même, moi, j'ai trouvé que l'animation était vraiment très très bonne dans Bad Guys 2. J'aime bien le design global, général du truc. Mais j'ai trouvé vraiment que l'animation était très très bonne. Elle m'avait fait penser au dernier Spider-Verse, là. C'est ça. Qui marche très bien aussi dans ce ton-là et dans cette veine-là, quoi. Oui. Donc c'est quand même du haut de gamme pour l'animation, je trouve. Oui, oui, non, ça, par on contre. Est bien plus propre que du Miraculous, voire du Disney. Hein. D'un point de vue technique, non, c'est, là aussi, point de vue technique, c'est impeccable. Après, comme je t'ai dit, je suis pas dithyrambique, mais j'ai pas passé un mauvais moment. Voilà. Loin de là. Et c'est déjà pas mal quand tu te plains pas d'un film, c'est qu'il est quand même pas si mal. C'est ça. Non, mais franchement, Bad Guys 2, j'y avais été avec les gamins et j'ai pas du tout été reculant. Autant le premier, j'y avais pas été parce que je crois que c'est Sixis qui avait été le voir avec le grand. Je veux faire autre chose, j'ai dit non, le dessin animé ça va. Ils étaient rentrés en disant c'est vachement bien. Et quand c'est repassé, j'avais gardé d'un œil au début, j'ai dit ah ouais, c'est pas mal. Finalement, j'avais été pris dans le truc, c'était plutôt chouette. Bon, là, bien sûr, Bad Guys 2, la fin de nos teasers 3 qui va arriver, hein, mais. Évidemment. Bah... Évidemment. Quand t'as un filon, faut aller jusqu'au bout, quoi. C'est sûr. Oui, puis c'est pas comme si DreamWorks ils aimaient pas faire ça. Hein. Oui. Ils nous ont fait combien de Shrek ? 5 ? 4 ? Shrek, 4, je pense. Hein. 4 Shrek, Madagascar, 4 aussi. Kung Fu Panda, 4. Il y a le chapeauté, il y en a eu. Ah oui, bah Shrek, si tu comptes les deux chapeautés, ça fait 6 dans l'univers Shrek, ouais. Ouais. D'ailleurs, l'animation, surtout le loup, ça m'a fait penser à certains passages au chapeauté, justement, enfin le deuxième opus. C'est dans le deuxième qu'il y a un loup, effectivement, oui. C'est dans le deuxième qu'il y a un loup, je crois. Hein, tout ouais, à c'est fait. Ça, oui, le méchant, c'est un loup. Et puis le loup, on le retrouve aussi dans Kung Fu Panda, dans le 2 ou le 3, je sais plus. Bon, bah après. Une fois que tu sais le dessiner et l'animer, tu le réutilises, hein, c'est normal. C'est sûr. Enfin, là, il a été. Ouais, voilà, il est moins inquiétant dans les bad guys, etc. Mais tu retrouves certaines choses. Alors, je sais pas s'il y a une influence du studio, si c'est des équipes différentes, ou c'est juste parce que. Hein. Un loup reste un loup, quoi. Au bout d'un moment, quand tu dessines en dessin animé, tu révolutionnes pas le genre, quoi. Non, ça c'est clair. Non, les influences, tu vois, on va en chercher là-dedans. Donc, il faudrait plutôt la regarder du côté des Ocean's Eleven et tout ça. Ouais. Et c'est. Oui, ça, en plus, en tant que film de casse, ça marche quand même très très bien. T'as plein de trucs où t'as vraiment tous les clichés du film de casse où à la fin, tu dis ah, ils se sont fait avoir, mais non, ils avaient tout prévu. Enfin, c'est ça. Plein de trucs comme ça. Les petits malins, etc., qui ont 3 coups d'avance sur tout le monde, qui prévoient les réactions et qui jouent en fonction. Avec des petits. Bah, bien sûr, la scène, comment on appelle ça ? Référence à Mission Impossible hein, avec oui. Le serpent qui tient la corde, c'est le piranha qui tient la corde, etc. Pendant que l'autre il essaye de déloquer l'ordinateur, enfin voilà, c'est plutôt malin. Et puis la référence, même si elle est évidente, on te la crie pas à la figure, quoi. Voilà, c'est non, puis elle est drôle parce que tu te dis que le public cible de ce truc là, c'est des gamins comme les miens, entre 12 et 6. Le premier Mission Impossible, ils l'ont jamais vu de leur vie, non. C'est sûr. Voilà. Donc c'est la référence, c'est là pour faire un petit peu un clin d'œil aux parents et puis pour ça crée une discussion avec les gamins. Tu dis, oh, t'as vu, c'est un truc de Mission Impossible. Bah non, je l'ai pas vu. Ben ah oui. Bah on va le regarder. Je trouve ça marche bien comme ça. Ah bah s'il y a bien Mission Impossible à regarder, c'est bien le premier, hein, parce que. Oui. Il y en a 8 maintenant, c'est ça. Je pense que c'est 8, hein, ouais. 8, alors 7, 8, ouais, je sais plus. Je pense que c'est 8 de mémoire, parce que le dernier était en deux parties, la Dead Reckoning, mais je crois que ça faisait 7 et 8, parce que Dead Reckoning, j'avais vu déjà le 7, j'avais l'impression que c'était une parodie tellement c'est pas possible. Il y a eu le Proctologue Fantôme, là, après il y avait eu Ghost Nation, et puis après Fallout, et les deux machins, ouais, ça fait 8. C'est ça, et donc le dernier, j'ai même pas encore osé le regarder, déjà j'ai oublié le 7. Il m'est complètement sorti de la tête. Ouais, le Fallout, moi, il est parti. Hein. J'ai juste retenu le titre. Je me rappelle juste que Tom Cruise, il court et que la fille, elle meurt. C'est tout. Oui, mais c'est dans toutes les missions possibles. C'est ça, mais il y a une histoire avec un train, etc. Avec une fin où Tom Cruise, il arrive pile poil au bon moment en passant par la fenêtre. Enfin, putain, j'ai failli faire un malaise devant cette scène. C'est impossible, quoi. Ouais, mais enfin là... T'as l'impression que c'est les vacances, sport extrême de Tom Cruise qui sont filmées et puis on coud un scénario autour, quoi. C'est peut-être ça. Mmh. Bah, il a avoué que la plupart des deux ou trois dernières missions impossibles étaient structurées autour des cascades. Hein. Ah bah, on peut faire ça, on va faire ça et on va structurer le film autour. Ah, ça explique le nombre de money shots et la qualité des money shots, mais la faible qualité du reste. Le reste, il est pénible, hein. Purée. Ouais, j'avoue que j'ai un peu lassé Mission Impossible. Pourtant, avec le protocole fantôme, je trouvais que ça repartait bien, j'avais bien aimé. Mais bon, après. Bon, enfin, donc voilà. On va faire la filmo de Tom Cruise. Hein. Oh, bah, viens, que non. Quelle purge. Bref. Ouais, la dernière fois avec Meryl, on a parlé de son meilleur film, on a passé un bon moment, tu vois. Vous avez parlé d'Edge of Tomorrow ? Non, Tonnerre sur les Tropiques. Mais Edge of Tomorrow, c'est bien aussi, c'est vrai. Bon bah écoute, impeccable, donc je pense qu'on peut conseiller Bad Guys 2. Donc pour, oui, largement, petits et grands, ça passe, hein, franchement, sans forcer. C'est déjà pas mal. Surtout avec les enfants, quand ça passe sans forcer, c'est pas si simple. Oh purée. Faut l'oser celle-là. Faut oser, hein. Je sais pas si je vais la garder celle-là, on verra bien après si je coupe au montage. Elle est absolument ignoble, j'ai pas ce compte de moi. Faut pas. Oh si, il y a des jours où j'ai honte de moi, mais bon. Bon, allez, on va commencer à faire chouiner un peu. Et si on parlait de buffet froid maintenant? Ouh, buffet froid. J'attaque et on en discute un peu après. Ouais. Voilà, il paraît que c'est un chef-d'œuvre unanimement reconnu du cinéma français. L'ultime parangon du vrai cinéma, défendu bec et ongle par des grands noms du podcast, comme Merklin par exemple. Et je dois de l'avoir vu en fait à 60s, hein, parce que bon, je sais ce que tu vas dire. C'est risqué de laisser une femme choisir le film, je suis d'accord. Totalement. Mais là, bah, en fait le choix c'était soit ça, soit le Cobaye 2. Donc bon, on est parti, Sixties est donc parti sur Buffet Froid, c'est ce qui a eu paru être le choix de la raison. Et ben on va parler de ce foutu navet prétentieux. Et je parle pas de Cobaye 2, je parle bien de Buffet Froid. La vision du film, là, ça a été un enfer, et pour nous deux. Et pourtant, bah, tu sais que ce que je peux endurer, les nuits Nanarland, tout ça, on a vu. Mais là, non. Là, c'est un truc que je dis vraiment rarement, mais j'ai haï, je hais cordialement ce film. C'est imbitable. Et c'est vraiment le truc que je mets en tête de liste de ce film, c'est la prétention et le foutage de gueule. Alors, autant des gros navets qui se vendent comme le nouveau inséré film qui a cartonné ou ce que tu veux, ça, il y en a plein. Mais là, t'es sur un truc où le mec te dit « Regarde, je suis un génie, je te fais un truc déstructuré, démachiné, tu vois, c'est... personne n'a jamais fait ça. » Alors d'un, si, gros malin, t'as déjà plein de gens qui l'ont fait. De deux, c'est pas parce que tu dis « C'est génial, c'est déstructuré » que ça cache juste que t'as pas de scénario, que tu sais pas où tu vas. Et troisièmement, t'as des acteurs que j'aime peut-être beaucoup, notamment Carné ou Billet, mais ils jouent pas tous dans le même film, c'est pas possible. Donc ça a été quand même un très très mauvais moment et j'espère ne pas le voir à la nuit Nanarland parce que je m'y emmerderai encore plus. Voilà, j'étais un peu court parce que là, ça m'a gonflé. Ouais, je sens un peu de haine envers ce film. Oui, c'est un truc qui m'arrive souvent, pourtant je bouffe de la merde, mais celui-là, je sais pas, je le sens tellement prétentieux, tellement... Ah, je suis vachement plus malin que toi. Ben non, en fait... Ouais, alors je peux comprendre ce que t'as ressenti. Même si alors, je partage pas ton avis sur ce film. Bah, tant mieux. Ce qui n'est pas grave. Hein. Alors que moi, je vais vous l'avouer, hein, ce film, j'ai regardé en plusieurs fois parce que malgré tout, c'est un peu déconcertant, faut bien l'admettre. Mais surtout, j'ai fini le film 5 minutes avant qu'on enregistre. Voilà, donc je l'avais vu... C'est frais dans ta mémoire. Il est bien frais dans ma mémoire. Mais je dois admettre que il est très perturbant. Or déjà, les personnages ont l'air tous déshumanisés, quoi. C'est-à-dire qu'il leur arrive des trucs. Normalement, tu finis en position latérale de sécurité tellement c'est la merde dans ta vie, quoi. Non, il leur arrive plein de trucs. Personne ne semble touché. Ils vivent dans une banlieue qui n'a l'air de constituer que de terrain vague et d'une grande tour. C'était de la défense à la construction. Disons que ça fait bizarre de le voir, hein. Franchement, quand tu vois l'endroit. Donc, c'était en train d'être construit, ils ont tourné vraiment dans la défense en train d'être construite. Et on reconnaît leur gare erreur du début, c'est bien la gare de la défense, elle n'a pas changé depuis. Elle n'a pas changé, toujours aussi moche, hein, ça. Et donc, mais le film m'a quand même pris. Je l'ai suivi, c'est-à-dire que entre les personnages qui meurent, les réactions toutes plus bizarres des personnages. Ils réagissent jamais comme tu peux t'y attendre, quoi. Lunaire, moi je t'aurais dit qu'ils réagissaient pas déjà, mais bon, c'est vrai que c'est... Ah, c'est des réactions complètement lunaires, quoi. Les gens se font tuer, les gens... la police n'intervient pas, la police fait n'importe quoi, on croise l'assassin, c'est pas grave. Oui, mais quand même, ils font des efforts. Mais croisent l'assassin de sa femme... Ils croisent, d'autres personnages tous plus bizarres les uns que les autres, quoi. Mais je dois avouer que le film m'a quand même... Il m'a quand même alpagué. C'est étonnant, hein, il m'a alpagué. Je sais pas, déjà, cet immeuble vide qui accueille 2-3 personnes qui ont l'air de s'emmerder, qui vont les uns chez les autres, qui n'ont aucune réaction normale. Ça a l'air d'être une suite de petits sketchs. En fait, c'est une suite de petits sketchs, mais le film il m'a quand même assez plu. Je vais pas dire que je suis pas sûr de pouvoir me le regarder de nouveau, pour être honnête, mais il m'a assez plu par le côté complètement déconnant, quoi. Alors après, ce que tu parles, la prétention de Bertrand Blier, etc., à déstructurer son cinéma, etc. Par contre, la haine que tu ressens pour ce film et ce côté destructeur, moi je l'avais ressenti quand j'avais eu 1, 2, 3 Soleil. Je l'avais à sa sortie de Blier. C'est un film de 93. Là, je me dis, mais c'est quoi ce film? Je ne me rappelle pas s'il n'y avait pas Marcello Mastroianni qui passait son temps à courir après une porte. Anouk Grimbert qui se fait violer. D'ailleurs, il faudra vraiment psychanalyser Blier là-dessus, parce que le viol des femmes, ça a l'air d'être quelque chose qui le fait bander. Il a un gros problème de misogynie, monsieur Blier. Ah, plus que de la misogynie, parce que, comment dire, là, dans son film, tu as une histoire de viol. Dans celui 1, 2, 3 Soleils, il y en avait. Que tu puisses mettre quelque chose comme ça dans une histoire, je peux comprendre, puisque ça peut mener une histoire, ça peut être un pivot dans une histoire, etc. Mais là, ça a l'air plus d'être du voyeurisme plutôt qu'un vrai... une marotte. C'est quelque chose d'assez étonnant. Et autant je dis qu'on peut mettre à peu près tout dans un film, autant là, ça a l'air vraiment d'être un ajout du genre « j'ai envie de voir ça », quoi. Je sais pas. Alors ça, par contre, je laisse le personnage, le réalisateur, pour ça, à mon avis... il est décédé maintenant, hein, mais faut. Ah oui. Oui, en janvier 2025. Ah bah tiens, j'ai pas. Il est mort en début d'année, voilà. Ouais, mais enfin, il a eu des problèmes avec son ex-femme, justement Anouk Grimbert, qui l'accusait d'emprise ou d'un truc comme ça. Oh, quelle surprise. Voilà, tu vois. Bon, alors je sais pas comment était le personnage dans la vie, parce que tu sais, après les histoires de couple des années après, t'entends des trucs, des vertes et des pas mûres. Alors. Non, sachant pas plus, on n'est pas dans la vie des personnes pour le savoir. Hein. C'est ça, on n'est pas dans la vie. T'as des trucs jugés, t'as tout ça, t'as des trucs pour t'appuyer. Là, on n'est pas dans la vie des gens. Voilà. Mais comme tu dis, sa fixette sur les viols, tout ça. Bon. Ouais, c'était assez. Je veux dire qu'il y a sans doute un truc qui traîne. Ouais, c'était le seul truc qui me. Déjà, sur 1, 2, 3 soirées, ça m'avait gêné à l'époque. En plus, comment c'était mis en scène, etc. En plus, c'était Anouk Grimbert, sa compagne, qui jouait cette femme violée à un moment. Tu te dis, oh, c'est étrange. C'est étrange. C'est pas une. Ça me semble pas quelque chose de sain. En tout cas, ça me semble vraiment très bizarre, quoi. C'est malsain. Oui. Malsain. Et ça, j'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais il y a quelque chose qui m'a gêné. Dans le film Buffet froid, la même. Parce que le viol est vraiment présenté, même pas dans les deux films, pas déshumanisant, même comme une sorte d'émancipation ou un truc qui est pas vraiment grave, quoi. Bah, quand tu regardes les valseuses, c'est ça aussi, hein. Le viol dans les valseuses, c'est un bon moment, sympa. Ouais, voilà, donc il y a toujours ça dedans, c'est assez... il a peut-être fallu faire une petite psychanalyse avant de tourner des films, quoi. C'est une idée. Après, c'est vrai que moi, le personnage, j'ai du mal à l'encaisser. Hein. C'est le film, je peux pas me l'épiffer. J'avais essayé d'aller voir Le Bruit des Glaçons au cinéma. Putain, c'est un enfer. Après, j'aime pas Du Jardin non plus, mais... Oui. J'avoue, j'ai cherché la merde. Mais bon, j'ai du mal avec Blier, j'ai du mal avec son cinéma. J'ai toujours trouvé que le type extrêmement prétentieux. Et j'ai toujours pensé qu'il devait sa place de réalisateur juste parce que c'était le fils de Bernard Blier, sinon... C'était un type prétentieux parmi les autres et qui avait en plus le tort de passer après Godard, qui est quand même au summum du mec prétentieux, mais qui savait plus ce qu'il faisait quand même. Ouais. Moi, je dirais que d'oublier, moi j'avais bien aimé Les Valseuses et comment ça s'appelle cet autre film, Calmos. Je me rappelle même pas de la fin. J'ai pas vu Calmos, mais je me souviens que Rhône et Mergreen en avaient parlé, il me semble, à un moment donné. Voilà. Il y avait aussi un petit côté misogyne, il me semble. Ah bah, misogyne, c'est quand même des mecs qui veulent. Leur seul but, c'est d'échapper aux femmes. C'est ça, oui, du coup, c'était quand même un côté plus, enfin, pas dénonciateur, mais peut-être un peu plus rigoleur du côté misogyne. Oui, parce qu'en plus, bon, t'as quand même Marielle, Rochefort, Bernard Billier, etc. Bon, vache, c'est quand même un beau casting avec des acteurs que tu peux... que je vois pas justement comme de pure misogyne, mais des gars qui sont capables d'avoir beaucoup d'humour de dérision, sur eux-mêmes, ouais. Et de la dérision. Et puis même, rien que les voix Rochefort et Marielle, moi, je pourrais les écouter toute la journée, quoi. C'est absolument exceptionnel, des acteurs comme ça, quoi. C'est vrai que ça, c'est quand même autre chose. Voilà, donc j'avais bien aimé ces deux films. Après, le reste de sa carrière, voilà, il y en a plein que j'ai pas vu. Hein, et comme je te dis, oui, moi aussi, j'ai pas tout, et puis je vais pas forcer. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Et donc, 1, 2, 3 Soleil, je me rappelle vraiment que je me suis dit, mais je l'avais vu sur Canal, parce qu'ils en faisaient la pub, etc. Et j'ai eu ça, mais qu'est-ce que c'est que cette sombre merde, quoi. Voilà. Ben, moi, je me suis dit avec Buffet froid. Et ben. Tu as aussi le droit, voilà. Voilà. Ma déception a vraiment été à haut niveau, parce qu'en plus j'aime beaucoup Carmé et Blié. J'étais content de voir, je savais que c'était le dernier film de Blié, enfin, Blié père. Donc j'étais vraiment, je trouvais que ce film avait une autre aura, quoi, mais putain, c'était pour faire ça, fais rien, quoi. Voilà, donc bon, après, Mère Grigne va sûrement hurler qu'on est des petits jeunes, qu'on n'a pas compris, voilà. Hein, oui, il y a des chances. C'est pas grave, il se boit une tisane, il se fait un lavement, et puis voilà. Mais il est très avenant en ce moment. Ah, c'est bien. À la camomille, ça l'apaise. Et donc, voilà, j'ai... Mais le film, comme je te dis, je ne le reverrai pas, mais je l'ai vu et j'ai eu envie de voir la suite. Alors que d'autres films, des fois, tu te dis au bout de 10 minutes, mais qu'est-ce que je regarde ? Là, c'était complètement bizarre. Mais ça m'a quand même entraîné jusqu'au bout, quoi. Ça, je dois admettre que c'est vrai que j'étais jusqu'au bout sans me dire au bout d'un quart d'heure, enfin, j'arrête parce que je m'ennuie. J'aurais pu dire je m'arrête parce que ça ne me plaît pas, mais pas parce que je m'ennuyais. C'est vrai qu'au bout d'un moment, ils vont où ? Juste, ils vont où ? Alors par contre, bon, il y a des acteurs qui sont plus ou moins justes. Déjà, Depardieu, tu sens que c'est le début de sa carrière, il force le trait. Hein, même je trouve que les trois, ils sont pas dans le même film. Hein, moi, clairement, ils sont pas dans le même film. T'as Carmé qui croit qu'il joue dans un Melville. T'as Blié qui croit qu'il est dans un film genre les Tontons Flingueurs. Et t'as Depardieu qui sait même pas qu'il est dans un film. T'as l'impression de voir la marionnette de Depardieu qui joue Depardieu, quoi. C'est quand même assez. Ouais, encore parce que d'habitude, Depardieu, quand il était jeune, t'avais l'emphase, t'avais tout ça quand même. Ouais. Là, c'est là, un peu. C'est vraiment. C'est. Et puis à la fin, t'as Carole Bouquet qui débarque. Alors là, dans la catégorie plante verte, j'ai jamais vu ça, quoi. Déjà qu'elle est pas très expressive, mais alors là, c'est un enfer. Et puis ce final, tu dis, putain, tout ça pour ça. C'est ça. Donc, comme Cero au début, j'étais content aussi de voir Cero. J'aime bien Cero. Ben, moi aussi, oui. Mais qu'est-ce que t'as foutu ? Ben oui, t'as l'impression, oui, c'est un film, il a fait venir tous les potes de son père, enfin toute la génération d'acteurs à peu de choses près de son père, quoi, et il a rajouté Depardieu par-dessus, et tu te dis qu'est-ce que c'est que ça, quoi, c'est. Mais ça, je pense que ça mérite d'être. Il mérite d'être vu pour le côté vraiment complètement décalé, quoi. Ouais, je serais presque d'accord avec toi sur ça au moins. Il mérite d'être vu pour le côté, pour ce côté-là. Mais tu vois, t'as aussi le mépris qui avait un côté plus déstructuré, enfin de cinéma déstructuré, qui poussait le délire plus loin encore. Et du coup, à mon avis, à plus de. Si tu devais en voir qu'un, vous voudrais mieux voir le mépris, même si je n'aime pas ça non plus. Et bon. Donc, Buffet froid, toi, tu conseillerais quand même grandement. Oui, je conseille. Je pense qu'il faut l'avoir vu juste pour histoire de se faire. Je veux pas le dire qu'il faut avoir une culture cinématographique, ça me semble un petit peu pompeux parce que tu peux la faire avec tellement de films. Mais s'il faut voir un film de Blié avec les valseuses ou Calmos, ça passe. Voilà. C'est mieux que le bruit des glaçons, ça. Aucun 2-3 soleil, hein, je te dis, traumatisme, hein, franchement. Bon, bah écoute, ouais, non, moi je n'irai pas jusqu'à le conseiller quand même. À la limite, essayez plutôt Godard, vous verrez un film prétentieux aussi. Je dois admettre que j'ai jamais vu un film de Godard. Jamais même pu passer pas le cap. Pierrot le Fou qu'on voit assez souvent, ou genre de non, truc. Non, j'ai même pas essayé. ni À bout de souffle, ouais. Ni Pierrot le Fou. Godard, je sais pas pourquoi, ça passe pas. Peut-être sa gueule de représentant de la nouvelle vague, etc. Ça m'a, ouais, bah, ouais, bah, ça m'a bloqué. Ça passe pas chez moi aussi. Voilà. Moi, je les ai vus parce que c'était visionnage obligatoire en école de ciné. Donc, bah, ah bah ça, voilà. J'y suis passé et bon, ça m'a pas marqué. Je creuserai pas la film. Bon, on va continuer à faire Win et Meryl parce qu'en plus, maintenant, on va parler d'un vrai bon film français avec des vrais bons acteurs, un vrai bon réalisateur. On va parler de quoi ? On va parler des Ripoux. Et bah voilà. Alors, les Ripoux. Alors, c'est un film, je ne me rappelle plus l'année, hein, là je vous le fais de mémoire. Film avec Philippe Noiret et Thierry Lhermitte. Tu as l'année ? Non, j'allais dire 82, mais j'avais tout début 80, vraiment fin 70. Moi j'aurais dit 84-85, mais tu vois, je me trompe peut-être, quoi. Donc, c'est un vieux de la vieille, Philippe Noiret, qui est au début, qui est en. Comment dire ? Qui est policier, qui est inspecteur de police, et il est de 84 le film, voilà. Ah ben voilà. Et donc, qui est inspecteur de police, et en fait, qui est un ripou, hein, et qui balance son collègue, soft. Ouais, un ripou soft, voilà, mais qui balance son collègue pour échapper à tôt, et on lui adjoint un nouvel inspecteur, tout frais et moulu de l'école, qui est joué par Thierry Lhermitte. Bien voilà. Droit dans ses bottes. Droit dans ses bottes, rigoureux, etc. Alors que l'autre, c'est le ripou à la pépère, quoi. Hein, on touche une commission sur les jeux du quartier, sur les mecs qui travaillent au black, sur ceci, sur cela. Ça mange gratuitement à la cantine. Et puis bon, au niveau boulot, ça y va léger, quoi. Ça va au PMU. Voilà. Ça profite des. Comment dire ? Ça profite de. Des avantages de la fonction, voilà, du poste. Et il se retrouve avec cette espèce d'incorruptible à côté de lui qui lui pourrit tous ses coups, quoi. Mais à force de persuasion, c'est-à-dire en lui faisant quand même pas mal de coups de vache, il finit petit à petit par le ranger à ses côtés, grâce à en ses coups de vache et à cause pute. D'une femme. Avec une pute. Interprétée par Grâce de Capitani. C'est ça, hein, Grâce de... Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, ouais. Et donc, c'est vraiment un film qui, étonnamment, se revoit bien. T'as un Paris des années 80, en plus, un Paris très populaire. Hein, très sur populaire. Le Paris populaire, t'es pas sur le Paris, c'est pas Amélie Poulain. C'est ça, t'as pas une vue des Champs-Élysées, c'est les petits quartiers, les petites rues, quoi, les petits malfrats, la petite racaille de l'époque, etc. Mais en fait, ça passe très bien. Alors, moi, Thierry Lhermitte, c'est le seul point noir du film, parce que je trouve que c'est un acteur qui est assez... Je le trouve plat comme acteur, franchement plat. Ouais, mais justement, pour un petit jeune qui vient d'arriver... Il fait le petit jeune tête à claque, il est parfait pour le rôle. Mais c'est physique. Voilà, c'est physique, j'aime pas l'acteur, quoi, donc voilà. Ah, ça, je suis assez d'accord. Voilà. Pour ses films, pour... Quand j'ai entendu parler, c'est pas un type que je trouve sympathique du tout, quoi, donc... Non plus. Bon, c'est comme ça. Et notre ami Lhermitte, enfin ton ami, hein, je veux dire, parce que c'est pas le mien. Ah, mais moi, non. Notre ami, bah, il se retrouve à faire équipe avec Philippe Noiret. Alors, Philippe Noiret, c'est un rôle, mais qui lui va, mais merveilleusement bien, quoi. Il est absolument. Délectable. Affable. Ouais, il est affable, il est tout tranquille. Il est tout tranquille, tout il rond, est tout malin. Il un est peu très vicieux, malin etc. Malin. Là, un peu, mais juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut. Tu sais, avec une petite gouaille, le bon vivant franchouillard, tu sais, dans toute sa splendeur, qui a réussi à devenir policier et qui en profite comme un gros sale. Voilà, c'est ça. Mais sans faire de tort à personne, finalement, parce que bon, tout le monde y trop trouve trop de tort. Oui, enfin... Il profite quand même que le mec il profite de la cantine dans un restaurant en se faisant offrir gratuitement. Oui, mais il lui laisse faire du jeu illégal à l'arrière. Voilà, ça fait de mal à personne, tout le monde y trouve son compte, quoi. Mais voilà, c'est. Et puis c'est vrai qu'il y a toute la bonhomie de Philippe Noiret, quoi. Là aussi, on revient à la voix, etc. de Noiret, que j'adore aussi, d'un personnage très. Comment dire. Il est heureux. Ouais, pas tant que ça, parce qu'il révèle des choses à la fin. Oui, il révèle quelque chose sur son passé. C'est pas juste un personnage cliché, t'as deux, trois trucs qui se font plus creuser. C'est ça. Qui le rendent plus humain. Mais il reste quand même très, très comment dire. C'est un bienheureux, il a trouvé son petit monze qui l'a organisé. Il est bonhomme, c'est ça. Et le film reste très très sympa. Très sympa ouais. Jusqu'au bout, quoi. Oh bon, la fin, moi là, j'adore la fin. C'est... Elle est très émouvante, c'est fou, hein. Ouais. Très très émouvante, c'est un délicat équilibre et ils ont réussi à le faire avec ce film, quoi. Bon, en même temps, Noiret, quand j'y pense, j'ai pas vu tous ces films non plus, mais en général, pour moi, c'était quand même plutôt bon signe d'avoir Noiret dans un film. Ouais. Ah ouais, c'est plutôt du haut de gamme en général. Et puis là, en termes de second rôle, on a Guillaumard aussi qui est excellent dans celui-là. Qui ça? Son chef, Julien Guillaumard, qui fait le chef. Juste... Le chef qui est toujours enrhumé. Ah, ce truc-là, depuis gamin, cette scène-là me fait rire, quoi, avec son truc. Et à chaque fois, il est bien. J'en ai plus, je suis encore malade, etc. Tu vois qu'il est complètement amorphe parce qu'il est plus sous sa coque. Non, c'est très bon. Et puis, toujours obsédé par les chevaux et les PMU, là aussi. Ah, ouais. Voilà, c'était. Voilà, c'est une vision de la police, de la France, etc., qui était très drôle. En plus, c'est vrai que. Le mec, c'est un ribou, mais c'est pas. En fait, ça donne pas une si mauvaise image de la police, c'est ça qui est fort, quoi. C'est-à-dire que. Non, c'est ça, le mec qui fait un ribou, mais tu dis, il sert pas que son propre intérêt, et puis bah. Ouais. C'est le ribou parce qu'il fait pas tout à fait ce qu'on attend de lui, mais ça s'arrête là, quoi. Et puis, il mange un petit peu sur le dos des autres, etc., mais. Ça reste pas un mauvais jour. En fait, le personnage est sympathique pour ça, quoi. C'est pas un ripou violent, agressif, etc., quoi, qui éclate des mecs dans un coin. Voilà, c'est un profiteur. C'est ça. Et un bon vivant. Et puis, ils essayent de faire profiter les autres, parce que son objectif, c'est quand même que Thierry Lhermitte profite aussi comme lui. Ah ouais, tout, quoi. Tout le monde doit croquer, quoi. Voilà. Bah ouais. Non, le film est plutôt bien. Je me rappelle d'une suite qui était un peu... plus moyenne, qui était pas mauvaise, ouais, mais était plus moyenne. J'aime bien la suite aussi, parce que t'as quand même Guy Marchand dedans, qui est pas mal. Ils sont encore plus pourris que lui. Et là, ils sont vraiment mauvais, c'est ça qui était drôle. Ah oui, il y avait Guy Marchand et Castaldi. C'est dommage qu'il y ait Castaldi qui joue comme une grosse savate, mais... Ouais, en même temps, Castaldi, il a toujours fait des rôles de grosses brutes pas sympathiques. Oui. Voilà. Enfin, il a jamais été... C'est pas son jeu qui a marqué l'histoire, quoi. C'est... Ah non, clairement pas, non. Non, il aurait pas eu un César, lui. Ouais. Mais bon, le 2 passait, mais il me semble pas aussi bien, quoi. Ouais. De mémoire, je dirais que le 2 était un poil plus rythmé et un peu plus dans l'action, parce que le premier est quand même tranquillou. Oui, c'est une histoire pépère, hein, le premier. C'est mais ça. Le deuxième, en plus, c'est même pas une suite logique au premier, puisque... Dans le deuxième, l'autre il est. Oui, c'est vrai. Maintenant que tu le dis, c'est vrai. Mais c'est pas une suite logique. Même le Ripou 3, qui est une infamie, quoi, n'est pas non plus une suite vraiment logique. Quoi. Voilà, non, c'est vrai que là, vu qu'à la fin du 1, il sort de prison, il a son PMU, techniquement, il devrait plus être flic dans le 2. Ouais, c'est ça. Alors tu sais pas où l'histoire se. Comme s'il était inséré au milieu du premier ou un truc comme ça, quoi. Ouais, tu vois. Limite, mais ouais. Ça n'a pas vraiment de logique, quoi. C'est des histoires totalement indépendantes avec toujours les mêmes personnages. Ouais, tu vois, c'est con parce que quand je le dis, j'avais pas tiqué que c'était pas logique, mais oui. Ils sont pas logiques du tout, non, mais c'est pas. C'est vrai. Voilà. Mais c'est quoi, c'est un film que j'ai toujours aimé depuis gamin. C'était un truc qu'on voyait souvent avec mes parents parce que ça passait pas mal à la télé. Ah, c'est tout repassé. Ça. Je me vois le revoir avec mon père, etc. Ça le faisait marrer, moi. C'est. Hein quand, ça, les ça, coups pourris, tu souvent. Y fais. Entre le coup du bottin pour calmer un mec, il lui envoie Jésus, le mec qui s'éclate la tronche sur les portes. Il est même contre les murs, ouais. Voilà, pour éviter la meilleure. Il l'envoie chez Dédé la Mitraille, quoi. Même ça, rien que les noms, Dédé la Mitraille. C'est grandiose. Bah, c'est un programme. Voilà, donc... C'est presque du San Antonio, les noms et tout ça. T'es dans cet univers-là, un peu tout à fait du Paris Gouailleur et tout. C'est ça. C'est vraiment top. Donc, c'est vraiment un film à voir. Et c'est vrai que moi j'ai toujours eu ce film je sais pas comment on pourrait dire, un attachement particulier avec ce film, on en discutait souvent à la maison, on regardait souvent. J'ai un oncle qui bossait avec les chevaux pour le cinéma, je sais plus comment il s'appelait, son chef, donc allait bosser sur ce film là pour les scènes où on voit des canassons, donc forcément On en parlait, j'ai un père qui était un gros PMU, donc c'est pareil. tu sais, ça me parle, tous ces trucs-là où t'as le mec avec son poinçon en train de faire son ticket. Bah oui, je connais ça aussi. C'est ça. Donc c'est des trucs où ça te parle de quelque chose qui n'existe plus. Hein. Maintenant, le PMU, tout le monde le fait en ligne et tout ça. T'as plus les bars comme ça, t'as plus ce genre d'ambiance. Mais je sais pas, ouais, c'est quelque chose qui marque, j'allais dire pas l'enfance, mais pour moi, si c'est un marqueur de l'enfance, en fin de compte, là, époux. J'aurais du mal à dire du mal. Bah moi c'est, je me vois comme te dis comme toi le voir avec les rediffusions avec mes parents, mais c'est surtout j'aime bien revoir ces films un peu datés, les bagnoles, Paris qui était vraiment crasseux au possible quoi. Enfin je veux dire. Bah pourquoi tu parles crasseux de passé comme maintenant quoi, mais différemment voilà. Ouais c'était plus mignon, c'était crasseux mignon avant, tu vois, maintenant crasseux, c'est crasseux mignon. Crasseux. Hein, tu vois c'était maintenant c'est crasseux bobo, avant c'était crasseux populeux voilà. C'est vrai, ouais, c'est vrai que ça a changé. Bah, tu vois, l'autre jour, on en parlait un petit peu off, mais je disais que j'avais revu Doberman. Doberman, c'est pareil, ça se passe dans Paris. Paris est dégueulasse, mais c'est déjà plus le même que le Paris des Ripoux. Et c'était 10 ans après, et c'est, déjà, c'est plus pareil. C'est ça. Et Doberman, c'est un film de 97, 98 Ouais, 96, un truc comme ça. Ah, bah, tu vois, c'est un film qui va se prendre ses 30 ans dans les gencives, à mon avis. À revoir, bah, du coup, ça va faire bizarre. Avec lui. Non, moi, à revoir, j'ai trouvé ça super. Je me suis régalé. Bah, peut-être que je tente le coup. Ah, bah, c'est toujours frondeur. Enfin, voilà, c'est vrai que tu sens bien. À le revoir, tu sens le mec qui est. Putain, c'est mon premier film. On a filé du budget. Je sais pas si j'en aurai deux fois. Vas-y, je mets tout dedans. Ah, il s'est fait plaisir. Bon, en même temps, après, on lui a filé encore de la thune et il a pondu, comment dire, Blueberry là, avec ses expériences. Ouais, alors moi, j'aime bien Blueberry. Ah. Bah déjà je connaissais pas le personnage de BD et puis j'ai vu le film et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oh la vache. Je connais pas la BD mais j'ai beaucoup aimé le film. Ah, c'est un triple truc hein. Ouais bah comme quoi, toi c'est Buffet Froid, moi c'est Blueberry. Voilà. Yann Kounen, putain. Bah de toute façon Yann Kounen après Blueberry il est parti 10 ans ou je sais plus quoi en Amazonie avec des chamans. Ouais bah à mon avis il a trop fumé et il est resté perché quoi donc. Bah, il est revenu bah, il y a quelques années quand même, mais pour 99 francs, je crois que c'était lui, 99 francs. C'est possible. Pareil, je peux pas blairer ce film, hein, du coup. Mais, Je l'aime pas non plus, je sais pas, le film m'a mis mal à l'aise. Oui, exactement, ouais. Le film m'a mis mal à l'aise. Ça m'a mis mal à l'aise. Et ouais, bon, enfin, on va pas dévier sur 99 francs, sinon on va encore bitcher, mais. Voilà. On aura bien une autre case de dire du mal. Hein ouais. Peut-être pas ce soir, je sais pas ce que t'as pensé du dernier film, d'ailleurs on va l'attaquer tout de suite. Oui. Ah, je vais prendre mes petites notes quand même. Mm-hmm. Même si j'ai plus les yeux en face des trucs, je les lis qu'à moitié. Hein. Bref, je l'ai déjà dit, moi j'aime beaucoup John Cena, mais en tant qu'acteur comique. En tant qu'acteur d'action, je suis pas fan, en tant qu'acteur tout court, je le trouve pas génial. Mais dans le cadre du comique, il sait user de son gabarit et de sa tête de droupie. Il a une tête, moi je le trouve génial pour tout ce qui est comique. Et à chaque fois que j'ai eu dans une comédie, pour moi, c'était une bonne comédie. Après, il choisit peut-être très bien ses scénarios, mais quand même, je trouve bien. Alors que dans l'action, eh ben, je trouve pas crédible. Ou à la limite, dans une prod du genre Suicide Squad, où on va être un petit peu hybride. Et donc aujourd'hui, on parle de Ricky Stanicky, une comédie Amazon Prime. Avec John Cena, oui, ce qui est justifié que j'en parle depuis tout à l'heure. Et ici, on va suivre trois amis, en fait, qui n'assument pas leur connerie depuis tout petit. Une dizaine d'années je pense grosso modo et du coup ils s'inventent une sorte de personnage qui n'existe pas mais dès qu'ils font une connerie c'est Ricky Stanicky qui a fait la connerie, c'est pas eux. On regrette tous d'avoir pas pensé à cette idée là avant, sauf que ça continue adulte et au bout d'un moment bah, ils ont vraiment le nez dans leur merde, ils sont vraiment en berlificoté on va dire dans leur mensonge et ils décident de recruter un je sais pas comment on pourrait dire un acteur raté. Ouais, mais il est pas vraiment acteur, il est pas vraiment un chanteur. Un performeur, je sais pas. Un performeur, voilà, un performeur qui chante des chansons sur la masturbation. Mais du coup, il l'embauche pour pas cher pour incarner sur Ricky Stanicky et du coup, vraiment bétonner leurs alibis parce que là, ils ont vraiment merdé dans tous les sens. Sauf que, bah, forcément, quand tu introduis ce genre d'éléments dans ta narration, ça fout le bordel. Mais bien, bien comme il faut. Et pourtant, le film, il nous révèle tout le long du truc, en fait, une grande humanité, un truc vraiment très bienveillant, très gentil, enfin très gentil, je m'entends quand je dis ça, c'est ridicule de le dire comme ça, mais vraiment, ouais, très bienveillant, pas du tout moqueur envers son personnage, mais plutôt envers les trois autres qui n'assument pas du tout leur truc. Et j'ai vraiment beaucoup aimé le film, je l'ai trouvé extrêmement touchant, et de mémoire, c'est un des frères Farrelly qui est derrière la caméra et derrière le scénario. Peter Ceci Farrelly. Explique sans doute cela. Voilà. Voilà, du coup, je ne sais pas ce que toi, tu en as pensé. Ah bah, je suis d'accord pour l'humanité, mais ça, tu le vois... En fait, c'est certains passages où ils mettent en avant justement l'humanité des personnages. C'est vraiment typique des films des frères Farrelly. Autant des fois, c'est ouais. souvent caca-prout et très, très lourd au niveau humour, quoi. Mmh. Mais, c'est vrai que des fois, il y a des petits moments touchants et assez bien amenés, en toute honnêteté. Mmh. Hein. Même dans leurs films plus ou moins réussis, quoi, parce qu'il y en a aussi, hein. Mais moi j'aime bien la film des Farrelly, tu vois, les mariés à tout prix, deux en un, tout ça, j'aime bien. Woody Allen, je suis mort de rire. Marie à tout prix, je l'avais bien aimé, mais il y en avait un qui m'avait un petit peu. C'était lequel? Je me rappelle, c'est celui avec comment il s'appelle. Ah merde. Ça va être pratique. Ah, ça va pas être... Si c'est elle où Gwyneth Paltrow, elle joue une obèse. Ah putain, l'amour extra large, si j'adore, et je l'ai regardé avec Louloute il n'y a pas longtemps, c'est bien. Alors je l'avais trouvé moyen, et puis surtout, je l'avais trouvé un petit peu moyen, un peu forcé, je sais pas pourquoi, dans le côté acceptation des personnes, etc., j'avais trouvé ça un peu tire-larme, quoi. Mais c'est surtout, j'avais vu leur film, tu sais, où ils faisaient, t'avais Matt Damon et Greg Kinnear. Oui, bah, c'était deux ans, hein. Deux ans, alors celui-là... Ah oh, putain, il avait été pénible à regarder celui-là. Hein. C'est un des premiers DVD que j'ai acheté, je l'ai vu plein de fois, c'est un film que j'aime bien, moi. Voilà, bah celui-là, tu vois, j'accroche pas. Et pourtant, Marie à tout prix, alors c'était un de leurs premiers, alors, mais entre Woody Allen, parce que putain, bah, déjà il y a... Le meilleur, c'est Woody Allen. Mais t'as Jim Carrey en plus. Et ils y vont tellement à fond là-dedans sur les blagues, c'est d'un sordide à certains moments, etc. Rien que la scène où Jim Carrey commence à devenir méchant avec la caissière à la caisse, avec la gonzesse qui lui est passée devant, avec le gosse qui arrête pas de pleurer. Tu dis putain, mais ils osent tout, ils torturent un gosse littéralement, quoi. C'est d'une méchanceté. C'est ça qui est drôle. Et pourtant, dans tout le film, t'as cet humour-là qui est très méchant, très bête souvent, ou très sous la ceinture. Et t'as la pointe d'humanité qui sauve le film de la. On va dire de la bête comédie tout venant, quoi. C'est ça. Et donc Ricky Stanicky, alors j'ai retrouvé certains passages, mais je l'ai trouvé un petit peu, c'était un petit peu au chausse-pied pour moi, tu vois, c'était un peu forcé. Déjà à la fin, bon, on se doute que tout finit plutôt bien, et puis évidemment. Les personnages, tout le monde s'aime, tout le monde s'en sort, etc. T'as des bonnes valeurs humanistes, etc. Ça m'agace, ils s'en sortent trop facilement, je pense qu'ils auraient tous mérité une bonne branlée quand même. Voilà, c'est ça, et puis il y a un côté où à chaque fois, alors ça va peut-être paraître un petit peu grossier de ma part, mais je veux dire que ça soit pas mal compris, mais c'est qu'à chaque fois, justement, ils incluent dans leur film, t'as des personnes handicapées, des personnes naines de toutes les confessions, origines, races, ce que tu veux, ethnie, ouais. Et même, comment ça s'appelle, mais je sais pas où. Ce qui était au début, ce qui me semblait bien, parce que je me disais, bah, pourquoi pas, hein, le monde il est constitué de personnes totalement différentes et on les met en avant. Là, j'ai presque l'impression que c'est devenu à force pas une signature, mais comment dire, un passage obligatoire. Et en plus, ça n'a plus le même poids, puisque maintenant, je ne veux pas dire tout le monde le fait, mais c'est devenu un petit peu quelque chose de normalisé. Il y a des charges, voilà. C'est un peu normalisé. Alors, avec les Farrelly, je dirais que je ne pense pas que ça soit dans le cahier des charges, parce que ça, eux, ils l'ont fait avant que ça soit, entre parenthèses, soit à la mode, soit en tout cas bien vu de le faire. Hein, parce que dans leur premier film... En plus, c'est moyennement bien vu, parce que ce que font les Farrelly, par exemple, là, tu as un personnage qui est homosexuel. Au début, ce personnage homosexuel, ça en fait un ressort comique, en fait. Et qui est assez... C'est limite, du coup, il y a deux, trois trucs, c'est un peu limite de rire de ça. Et enfin, du coup, le truc, il passe de limite à assez bienveillant, finalement, et à construire le personnage autour de ça, alors qu'au début, ils sont forts sur ça, parce que ça fait... Moi, du coup, je trouve que ça fait moins forcé. Mais... Mais bah, ils marchent sur le fil. Après, on n'est pas non plus. Hein, je sais pas comment ils réagissent aux États-Unis, mais ici, j'ai l'impression qu'on est quand même pas trop des perles à pudeur, même s'il y a toujours des gens qui trouvent toujours le moyen de gueuler sur. Oh, il n'y a pas de représentation de ça, ça va pas. Tu fais ah, laisser le film être tel qu'il est, hein, apprécier le tel qu'il est, et puis si tu ne l'aimes pas, le regarde pas, voilà. C'est aussi c'est simple ça, que ça, quoi. Enfin, remarque-nous, tu vois, il y a un film que j'aime pas, je ne me gêne pas pour dire que je l'aime pas, j'ai pas aimé Buffet froid, je le dis, mais c'est vrai que personne ne m'a obligé à le voir. Ouais, et puis... personne n'est obligé de m'écouter plus. Voilà, et personne ouais. n'oblige ni à voir, et puis moi, je m'oblige pas à censurer quoi que ce soit. T'as envie de voir, tu regardes, t'as pas envie, tu regardes pas. Voilà, bah, dans la ça. Langue que tu veux, comme tu veux, sur le format que tu veux, voilà. Laisser les gens regarder, se faire leur idée, ça sert à mieux que de laisser, essayer de les cantonner, de leur, les forcer à admettre vos opinions, quoi. Ah oui, c'est ça, ça sert à rien. Comme là, tu vois, par exemple, on n'est pas d'accord sur Buffet froid, on a des arguments tous les deux, et puis c'est très bien, chacun se rangera du côté qu'il veut. Ouais, oui, et puis on est toujours pas de quand même, et c'est cool, c'est ce bah, qui est ouais, bien. Voilà. C'est très bien. Donc, mais alors, par contre, là, tu marques un point, c'est le côté extrêmement comique, justement, de Senna. Parce que John Senna, ouais. Alors c'est vrai, j'arrivais pas à trouver, c'est toi qui as mis le thé, son visage de droupi. En fait, il a un visage qui... Alors c'est, oui. Je sais pas si ça, qui s'affaisse un peu quand il était catcheur, il avait la mâchoire bien carrée, mais là dans ce rôle là, t'as l'impression que son visage s'affaisse un peu. Qu'il est... En fait, à chaque fois qu'il joue pas dans un film d'action, sa mâchoire doit être carrée parce qu'il doit s'entraîner ou je sais pas quoi. Mais à chaque fois qu'il est pas dans un film vraiment d'action, ou même quand tu vois dans Peacemaker et tout ça, il a la tronche affaissée. Ouais. Et quand tu le vois en interview, il a pas tout à fait la tronche comme ça non plus. Donc ben voilà, il doit en jouer quand il est en. C'est ça, il doit serrer la mâchoire pour faire le héros, etc. Pur et tout, mais là justement, il a un potentiel comique, c'est-à-dire qu'il, le mec, c'est un beau bébé. Hein, c'est un beau bestiau, ça va coûter cher de le nourrir, quoi. Donc, et donc, il est, en fait, comme disaient mes parents. C'est ça, et là-dedans, il est mis. Il est impitoyable. C'est-à-dire, déjà, le mec, oui. Il nous la joue pas à The Rock qui soi-disant se met en danger, mais en fait, qui s'en sort toujours très bien. Pour tout ce qu'on a vu jusqu'ici comme film, oui. C'est-à-dire que des fois il est capable de faire preuve d'un peu d'humour sur lui-même, mais bon, ça va jamais trop loin. Putain, Senna dans la catégorie humiliation, putain, oh, la vache, le début de celui-là. Et comme tu dis, les réalisateurs jouaient avec le côté des beaux bébés. Quand ils serrent la main des autres, les autres, t'as l'impression qu'ils ont des mains d'enfants. Et après, tu fais des chansons sur la branlette, ils sont tous en train de s'essuyer les mains sur le t-shirt. Puis quand tu vas avec Paluche, et après les scènes où justement ils chantent toutes ces chansons sur la masturbation, mais en changeant de costume à chaque fois. Et à la fin, il finit déguisé en écolière, etc. Enfin, putain de merde. Ah la vache. J'en rigolais. Et à chaque fois qu'il changeait de personnage, tu sais, à chaque fois, ça se dégradait de plus en plus. Mmh. Le premier, je sais plus ce que c'était, si c'était Billy Idol ou un autre. Un truc un peu. Ça allait, quoi. Puis ça descendait, puis pour finir sur Britney Spears. Voilà. Oh, c'est ça que j'étais écolière. Toi, j'avais pas eu la référence parce que je connais pas spécialement ces. Bah, je ces pense chansons, que c'est Britney Spears, une tenue d'écolière et des couettes. C'est tout à fait possible, mais comme je te dis, au niveau musique, c'est dommage parce que moi, la version que j'ai vue, j'avais pas la traduction des chansons, donc. Il y a certaines choses qui m'échappaient, mais j'ai bien compris. C'est quand même assez explicite, tu comprends, ça parle toujours du même sujet, quoi. Voilà. Ouais, puis à la fin, quand il finit, vous me faites jouer, ou je sais plus, enfin, il a une petite phrase, hein, quand il sort de scène, non, ça c'était de trop. Donc, j'ai bien. En fait, c'est vraiment le point fort, c'est John Cena, le point fort des films. Par contre, justement, les autres acteurs, dont notamment, comment il s'appelle, Zac Efron, qu'est-ce qu'il est. Zac Efron, par contre, lui, c'est une tête à claque insipide, c'est une catastrophe. Oui, c'est vrai que c'est un des points noirs du film. Les deux autres, ça peut passer, mais Zac Efron, c'est pas qu'il joue spécialement mal, mais je sais pas, on a l'impression qu'il est en plastique. Ou... Il y a un truc qui passe pas avec Zac Efron, comme j'avais vu dans Baywatch, Alerte à Malibu, avec The Rock, justement. Je sais pas, il y a un truc qui passe pas avec lui, j'arrive pas à saisir. Ouais, et c'était pas. C'est lui le point noir du film. Il fait le beau gosse brillant qui a la femme absolument parfaite, etc. et qui veut juste pouvoir s'offrir des moments entre potes en utilisant Ricky Stanicky comme alibi. Voilà. Et, la gueule de l'alibi. Hein. Ah, tu m'étonnes, quoi. Quand tu vois le bestiau. Oh, putain, puis quand ils vont le chercher à l'aéroport. Il arrive, il a arrêté de boire et de fumer. Le mec, il est en nage et tout. Il tient à peine debout. Il se pisse dessus. Fin. Effectivement, comme tu dis, son image, John Cena, je crois qu'il n'en a rien à taper. Hein. Ouais, j'ai l'impression qu'il aime bien jouer le con, mais en même temps ça marche plutôt bien. Hein. C'est vrai qu'il a fait au début des films avec... meilleur en, comique qu'en film d'action. J'avais vu 12 The Marines, 12 Rounds, tout ça. C'est pas terrible. Alors que ouais, c'est pas dès qu'il fait une comédie, j'avais vu le truc Chaud Devant ou Mes Meilleurs Amis. C'est pas les films du siècle, mais franchement, je me suis bien marré à chaque fois. Ils s'en sortent mieux comme ça. Mais il y a un autre acteur qui est comme ça, justement. Alors, toute proportion gardée, hein, parce que ça reste quand même un très bon acteur. C'est Pierce Brosnan. Je le trouve insipide au possible dans les James Bond, mais quand il joue sur son côté beau gosse, mais qui s'en prend un petit peu plein la gueule, voire qu'il y a de l'humour sur lui-même, ça passe extrêmement bien avec lui, justement. Ouais, bah c'est pas... Ah, dans les James Bond, pour moi, c'est pas son interprétation qui me gêne, c'est l'écriture plutôt que lui, en fait. Bah lui, j'ai l'impression... Un peu passe-partout dans cela, c'était pas... Son James Bond, t'as l'impression que c'est juste une version transposée cinéma de Remington Steele, quoi. Même coiffure, ouais, même raideur, etc. C'est pas fou, quoi. Je l'ai pas du tout aimé en James Bond, mais pourtant je l'ai vu faire plein d'autres films où il était absolument exceptionnel. Hein. Et puis, il vieillit plutôt bien. Moi, son meilleur rôle, c'est Madame Doubtfire, hein, mais bon. Je suis totalement d'accord. Voilà. Voilà. Dans Madame Doubtfire, il fait le playboy qui en prend plein la gueule, là aussi, quoi. C'est ça, et en plus, pas méchant non plus, quoi. C'est ça qui est... Je sais pas, j'aime bien celui-là. Bon. Ouais, ouais, et en plus... Pour un beau gosse comme ça, parce que bon, à l'époque il était quand même, c'était le type du bel homme de l'époque, etc. Il savait se mettre un petit peu en de jeu justement en jouant ce type de rôle, quoi. En jouant un rôle fade en fin de compte. C'est ça. C'est juste ça. Pour le physique. Voilà. Et donc, en revenant à John Cena, c'était voilà le film Ricky Stanicky, il se regarde plutôt bien. Ça, c'est une comédie donc de Peter Farrelly. Et bah moi c'était une c'est-à-dire une comédie sympa, ça passe bien. Ouais. Je serais peut-être pas allé le voir au Cinoche, faut pas déconner. Mais je crois qu'il a pas une sortie ciné, hein, c'est une exclusivité Amazon. Hein. En plus, il n'y a pas une sortie ciné, d'accord. Donc bah, je serais pas allé le voir au ciné, mais en exclu Amazon ou qui passe à la télé, voilà, ça vaut le coup d'œil. Moi, je trouve que je l'avais lancé parce que je cherchais une couillonnade à regarder. Je me suis tapé une daube avec de John Cena. J'ai essayé de regazer 12 rounds que j'ai en DVD. J'ai dit, oh, c'est vrai, c'est trop mauvais. Et il y avait ça sur Amazon. J'ai dit, tiens, je vais lancer ça. Au pire des cas, j'arrête et je vais me coucher. Et en fin de compte, non, je dis, ah, mais si, c'est pas mal. Hein. C'est pas si con. Au début, je rigolais parce que, bah oui, John Cena en Britney Spears qui s'échappe par la fenêtre parce qu'il y a des mafieux au cul. En plus, en Britney Spears avec des barésies, etc., quand tu vas le bien dans les chaussures à plateforme. Oh la vache! Et il se casse la gueule. Mais en plus, cette scène-là, elle est terriblement pathétique, quoi. Il se casse la gueule, il pète sa bouteille de whisky, il est là à lécher le trottoir. Enfin, en essayant de récupérer un peu d'essai, tu dis putain, là, il est au bout du bout, lui. C'est ça, il est vraiment au bout. Et t'as des trucs qui te font rire et un peu touchant. Et puis plus le film se déroule et plus tu dis, ah putain, c'est pas si mal. Donc voilà, c'est je conseille aussi. Ça se laisse bien voir. Voilà. Ouais, clairement, ouais. Pas regarder avec tout le monde, hein, parce que bon, bah. Non, pas avec des gosses. On est un peu sous la ceinture. Oui, très en dessous de la ceinture. Hein. Après, ouais. C'est pas Grimsby non plus, tu vois. C'est sous la ceinture, mais t'as tellement de trucs qui sont pas vraiment explicites que ça peut passer. Ça reste un petit peu délicat quand même. Hein. Ça peut être un peu délicat par moment, mais ça peut passer. Grimsby, ça reste le saint graal de la comédie. Oh la vache! Oh, j'en pleure! Faut qu'on se le refasse avec Sixties là, bientôt parce que ça doit faire un an qu'on l'a pas revu. Oh, ça fait trop loin! Ça fait trop. Je m'en suis servi pour mes mixtapes cet été. Ah. Je me suis bien, bien marré. Ah, bah c'est un choix de réplique pour la luxure, c'était dingue. Bah pour tous ceux qui ne l'ont pas encore vu, vous pouvez aller le voir. Hein. On en a déjà parlé. Courir le voir. Ouais, on a réussi à convaincre Seb de le regarder, à force d'en parler. Ouais. Bah, comment vous avez fait? Vous lui avez dit simplement qu'il y avait, comment il s'appelle, Scott Adkins dedans? Scott Adkins. J'ai dit plusieurs fois qu'il y avait Scott Adkins déjà. J'ai pas parlé de la partouze d'éléphant. Ah. J'ai oublié. Oh zut, merde alors. Dommage. J'ai juste dit, regarde surtout pas le film avec tes gosses. Je sais pas s'il l'a vu du coup depuis. Je sais pas. Ah oh, putain, la partouze d'éléphant. Cette scène, elle est tellement, mais tellement trash, mais tellement drôle comme c'est amené. Ah, puis c'est un chef-d'œuvre. Ils vont pas oser aller, ils peuvent pas aller plus loin. Ah bah si, il a trouvé le truc. Si, il peut aller plus loin. Et je tiens, bon, de la part de l'acteur principal. Ah mince, Mark Strong. Non, l'autre, Sacha Baron Cohen. Sacha Baron Cohen, c'est ça. Bon, bon lui, il est dans son élément. Il est dans son élément. Mais alors, Max Strong, je lui tire mon chapeau parce que là, dans la dérision, il y est allé à fond lui aussi. Quoi. Ah, lui aussi, c'est vrai. Et lui aussi, il est très bon quand il va dans la dérision. Qui fait le couillon, etc., etc. J'aime vraiment bien, quoi. Ouais, ah non, top. Après, bon, là, on a dévié de Ricky Stanicky, mais... C'est vrai, bah on est pareil, on marque sur des acteurs d'action qui font n'importe quoi, mais qui le font bien. C'est ça, c'est ça. Regarde, Schwarzenegger, il a essayé de faire de la comédie, ça n'a jamais fonctionné, quoi. Et... Bah, on va modérer. Ça a toujours mieux fonctionné que Stallone. Ah oui, mais en même temps, Stallone, arrête où ma mère va tirer, j'en ai encore les larmes aux yeux, quoi. Hein, franchement. Ouais, moi aussi. Ah oui, putain, il y a Oscar, il avait fait l'embrouiller dans le sac, arrête où ma mère va tirer. C'est un fan de Funès, hein. Ouais. Ah mais être fan, ça veut pas dire être obligé de faire des trucs pareils. Ça fait pas tout. Ça fait pas tout. Putain, j'aimerais bien voir un remake du Gendarme de Saint-Tropez avec John Cena. Oh la vache, oh putain. Il y a l'image qui m'est passée devant les yeux là. Non. On va ça la déclencher cette putain d'apocalypse. Là, je crois qu'elle s'ouvre à côté de moi là. Oh merde. Voilà. Bon, en tout cas, voilà. Je pense qu'on a fait une bonne émission de rentrée. Oui. Hein, on a amené du bonheur aux gens. Souvent des petits lives comme ça, on amène toujours du bonheur aux gens. À chaque fois. Soit quand on arrive, soit quand on part. C'est ça. Il y a toujours un moment où ils sont contents. Donc, ouais, on va essayer de se refaire des petits lives comme ça un peu plus souvent. Peut-être pas tous les mois, mais tous les 2-3 mois. Ça serait bien. Sympa. Ouais. Et puis on va continuer Noël, une petite pastille. On sera votre cadeau de Noël. C'est ça. Oh, tu parles d'un cadeau. Bref. Et on va continuer les petites pastilles tous les dimanches, évidemment. Évidemment, tous les dimanches, fidèle au poste. C'est important. C'est sûr, faut être régulier. On a réussi à être assez régulier cette année. Ouais, on s'est pas trop mal démerdé, ça va. Non, ça va, ça va. Bon, j'ai un peu triché, moi j'en faisais qu'une, toi t'en faisais trois, donc c'est toi qui as eu la charge de boulot. Ouais, bah après, même si on en faisait que trois dans l'émission, c'était pas tellement grave en fin de compte. Hein. Ouais. On n'a pas un programme spécialement prédéfini. Ouais. Tant qu'on est là, on est là. C'est ça. Bah écoute, c'est impeccable. Nous, on va se revoir dans l'année déjà, mais dans d'autres podcasts. On va se revoir dans un Nostalgique, me semble. On va parler d'un jeu tout en finesse. En finesse, en délicatesse, qui a un peu une vision du monde telle que je l'aime. Voilà. Ça va vous faire peur. C'est un peu une adaptation cinématographique d'un justicier dans la ville, finalement. Enfin, adaptation vidéoludique, pardon. Vidéoludique, oui. Un peu plus trash, hein, faut l'admettre. Ah, d'un justicier dans la ville 5. Ouh la vache. Et on te retrouvera aussi, me semble, on en parlera peut-être encore une autre fois dans les potes de la crypte. Tu nous prêtes ta voix. C'est ça. Voilà. On travaille entre amis ici. Ben, je sais. Il me fait dire de ces trucs. Je suis un vrai salopard. Ouais. Je sais que t'écris ça juste pour moi, pour me mettre mal à l'aise. Oui, je sélectionne très très bien mes textes, t'en fais pas, c'est prévu. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va se dire au revoir, puis on se retrouve la semaine prochaine, rythme régulier et épisode classique. Allez, salut à tous. Salut. Galaxy Pop, on n'a qu'une seule envie, c'est de partager. Être écouté, mais pas consommé. Alors, fais-nous des retours. Galaxy Pop, viens, on va bien s'entendre. Dis, Dani, viens, on va bien s'entendre. Ça fait pas un peu pub pour des aides auditives? Enfin, moi je dis ça, je dis rien.